entrer dans le monde, Comera. Écoute mon son et le tonnerre gronde, Comera. C'est Gilberto en mode SSS. Des sous du sport et du son. Des sous du sport et du son. Des sous du sport et du son. En mode SSS. Des sous du sport et du son. Des sous du sport et du son. Des sous du sport et du son. En mode SSS. Des sous du sport et du son. Des sous du sport et du son. Des sous du sport et du son. En mode SSS. Des sous du sport et du son. Des sous du sport et du son. Des sous du sport et du son. De salope, j'ai saigné. Des sous du sport, faut que je fasse des sous, à me saigner la santé. Des sous du sport, mon putain de corps partir en des sous du sport, car verrai la couleur que je peux courtifier. Des sous du sport, faut que je S de salope, j'ai saigné. Des sous du sport, faut que je fasse des sous, à me saigner la santé. Des sous du sport, mon putain de corps partir en des sous du sport, car verrai la couleur que je peux courtifier. Des sous du sport, on vient pour péter le ghetto classement. Ben ouais, va faire un sondage, tu verras si je mens. Viens si t'as les couilles, mais va si t'as les couilles. Terminus la traille, peut pleurer, mais viens si t'as les couilles. HDI, DDI, DCI, ici on monte pas sous Paris. Si dans le moteur y a pas l'I, mon gros, on veut tous du gros. On parle tous en gros, mais mat comment je suis devenu gros. Les grosses prods de Chino, les grosses caisses, les grosses œufs sous le côté passager. Des fois, les gros titres aux parisiens, les gros titres dans les compines, les grosses tétailles dans les clubs, tu connais. Les gros titres, les classiques, yeah. On aurait dû s'appeler Reban classique. Mais viens si t'as des couilles, va si t'as des couilles. Terminus la traîne, la grande borne, mais viens si t'as des couilles. Fuck les bombes, yeah, sert à rien, pas me lécher les fesses. En mode S, en mode S, autant de salopes qui veulent mon S. Bitch, yes, punk, veulent mon S de style, mon F de flow, mon S de sous. Car tout ça, ça fait un putain de négro. Oh oh, S comme sale, ça sale comme l'Ubisal. Dégueux sont mes aisselles quand je viens de brûler S de pouce. Qui c'est, coussé, c'est cool. Appelez-moi, appelez-moi, oh, bon. Double S comme sol, comme quand je t'assomme. Dans les rues de les sols, c'est les boys et qui porte flingue, porte cric bang. Porte de porte de porte de porte fringue. C'est cruel pour un seul but comme les Ronins. Oh. Organisation truand et de malfrats. Hein. Militant, méchant et mis en sursis. Exigeant et intelligent de notre façon de spiller. Hein. Réunis pour tout déchirer. Ah. Allez, va te faire foutre et viens pas me faire chier. Des sous du sport et du son. Des sous du sport et du son. Des sous du sport et du son. En mode SSS. Des sous du sport et du son. Des sous du sport et du son. Des sous du sport et du son. En mode SSS. Des sous du sport et du son. Des sous du sport et du son. Des sous du sport et du son. En mode SSS. Des sous du sport et du son. Des sous du sport et du son. Des sous du sport et du son. De salope, j'ai saigné. Des sous du sport, faut que je fasse des sous, à me saigner la santé. Des sous du sport, mon putain de corps partir en des sous du sport, car verrai la couleur que je peux courtifier. Des sous du sport, faut que je fasse des sous, à me saigner la santé. Des sous du sport, mon putain de corps partir en des sous du sport, car verrai la couleur que je peux courtifier. Des sous du sport, et du son.